Sophie Civil en vivant et en direct, toujours dans les studios du Wagwan Massive. N'oubliez pas la rediffusion tous les dimanches soirs à 22h minuit, le podcast en téléchargement sur le site www.avaletfm.fr. Et puis, nous on revient tranquillement avec Partie Civile. Peut-être pour les petites infos sur internet, les Facebook, le savoir où les gens peuvent vous trouver pour les futures dates, les futurs événements. Alors il y a un site Facebook, Partie Civile sur Facebook, Partie Civile sur MySpace, Partie Civile pour écouter, télécharger, c'est Jamendo où ça marche le mieux pour le moment. D'accord. Il y a moyen, si on se connecte sur Facebook, en tout cas d'être rien que sur Facebook, je dirais rien qu'avec ça. Il y a toutes les infos. Il y a déjà moyen d'avoir Partie Civile avec un Y, P-A-R-T-Y. Partie avec un Y, parce que voilà, le jeu de mots qui invite. Toi tu chantes en anglais, en français. Alors voilà, j'essaye de chanter en anglais, j'essaie de chanter en français, j'essaie de chanter tout court en fait. C'est pas toujours réussi, mais bon. En tout cas, il y a moyen de nous trouver sur tous ces réseaux sociaux. On essaye d'être un peu partout. Twitter, on essaye de vraiment. Reverb Nation. D'accord. Faire parler de nous un peu partout. Quoi. Yes. Vous avez déjà fait pas mal de belles scènes. Hein. On en a pas parlé, mais vous êtes retrouvés sur des beaux plateaux avec des belles premières parties. Ouais. Abyssinians notamment. Abyssinians. On a rencontré pas mal de gens et c'est vrai que bon bah voilà, se retrouver en première partie d'Abyssinians, un groupe qui font partie de culte. Justement toutes ces influences dont on parlait tout à l'heure. Ils font partie des racines du reggae music, même du roots music. Je les ai écoutés, j'avais 13-14 ans, de me retrouver avec eux dans un coin dans l'ouest de Paris, c'était presque comme un rêve éveillé, quoi. Mais bon, voilà, c'est bon pour ça, le reggae. C'est des bonnes vibes à prendre. Et puis surtout de les voir à leur âge. Et de les voir comment à leur âge. Et puis ça bouge, ça donne. Ça fait plaisir à voir. Ah bah, c'est des gens, c'est aimerait incroyable. Juste avoir la patate qu'ils ont à leur âge. Quoi. Et on a rencontré aussi des gens comme... On a eu la chance de faire la première partie de Winston McAnuff. On a eu la première partie de Broussaille. On a rencontré Sundiata. On a rencontré Dan Akil. Et j'espère qu'on va en rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, une longue route. Merci à toi. Merci à toi. Des belles scènes et puis voilà, des belles rencontres. De toute façon, c'est ça la musique. Hein. C'est des belles radios. Voilà, et puis ouais, des émissions de radio. De toute façon, avec l'album, là, il va falloir faire le tour de toutes les émissions. Il va falloir y aller, c'est clair, ça se fait pas tout seul. Mais bon, on a eu la chance quand même de faire de bonnes petites choses. Ça motive, ça donne envie d'en faire. Ça motive, c'est clair. Voilà. Vous avez des petits big up avant de... On va lancer le morceau que tu parlais tout à l'heure, le live. Oui. On va mettre un petit morceau, puis après, le temps de se préparer les petits micros, puis après, on vient avec les versions instrumentales. Déjà, big up à tous les auditeurs qui sont là ce soir. Yes, I. Yeah. Puis un léger petit big up aussi à les Valentins qui sont sans Valentine, hein, parce que c'est on en parlait. on va pas faire de chanson d'amour, difficile donc pour eux, et on pense à eux aussi. Il n'y a pas de raison. Non mais on est avec vous les gars. Voilà. Sérieusement, on aimerait quand même dire merci à tous les gens qui de près ou de loin ont contribué à faire déjà en sorte que. On a quelque chose à dire aujourd'hui sur ces ondes aujourd'hui. Tous ceux qui nous ont aidés de près, de loin, vraiment. Tous ceux qui ont voulu nous aider, qui n'y sont pas arrivés, tous ceux qui nous ont pas aidés, on les remercie quand même pour la leçon qu'ils nous ont donnée. Et il n'y a pas de souci, tout va bien. Ça marche. Ok les gars, bah écoute, on va finir avec le petit live. Et puis après on vient avec les petits régimes. Il n'y a pas de souci. Ah, on s'écoute ça. Allez.